Elle est morte, le chant du roussillon. Le soir, quand la nature doucement dormie s'abandonne du silence et que monte du son, la nuit rentre sans terre de la rose assoupie. Son chant mélodieux d'inspiration divine, ses notes fulgurantes vibrant d'un pur cristal, et les modulations de sa gorge faufine font de ce musicien un chanteur sans égard. Je vivrai de 100 ans que j'aurai en mémoire les blues sans concert que le roussillon offrit. Elle sort d'un jardin sur les bords de la Seine, minute exaltante pour le cœur et l'esprit. Chanté par les humains, roussillon enchanté, ta virtuosité nous plonge dans l'estase. Nos chagrins, nos soucis, tu en fais table rase. Ton registre éternel, c'est le chant du bonheur. Si vous avez un soir en chance de l'entendre, savourez cet instant magique et merveilleux, où le temps disparaît en nous faisant comprendre qu'un chanteur au signal est la preuve de Dieu.